Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 2. L'existence de Dieu. Utilité et possibilité de prouver l'existence de Dieu. 5 chefs de preuve. 1. L'existence de Dieu est-elle évidente par elle-même? L'existence de Dieu, toute évidente qu'elle soit en elle-même, n'est pas, par rapport à nous, d'une évidence immédiate, car l'Écriture sainte nous apprend que l'insensé a dit dans son cœur, « Il n'y a pas de Dieu », psaume 51. Il est des propositions, en effet, qui sont évidentes en soi sans l'être par rapport à nous, comme il en est aussi qui sont évidentes en soi et par rapport à nous tout ensemble. L'homme est un être animé. Voilà une proposition à la fois évidente en soi et pour tout le monde, parce que, d'un côté, l'attribut est renfermé dans le sujet, et que, de l'autre, il n'est personne qui ne sache ce qu'est un homme, et ce qu'est un être animé. Il n'y a pas de lieu pour les êtres spirituels, voilà une vérité évidente en soi, mais uniquement pour les philosophes, qui seuls ont la vraie notion de ces termes. Cette proposition, Dieu est, prise en elle-même, est évidente en soi, puisque, comme on le démontrera, Dieu étant son être même, l'attribut est identique au sujet. Mais, relativement à nous, qui ne savons pas ce qu'est Dieu, cette proposition ne nous est pas connue par elle-même. Elle demande à être démontrée par des intermédiaires plus évidents pour nous, bien que par eux-mêmes ils le soient beaucoup moins, c'est-à-dire par les effets visibles qui sont devant nos yeux. Note. La nature a gravé en nous l'idée de Dieu, nous le reconnaissons, cette idée est contenue dans le désir du bonheur, désir inné chez tous les hommes, soit, mais qui osera dire que cette idée, vague et confuse, est la notion pure de Dieu? N'est-il pas des hommes, qui ont placé le bonheur, les uns dans les richesses, les autres dans la volupté, d'autres ailleurs? Dieu, nous dit-on, est l'être le plus grand que l'on puisse concevoir. Or, ce qui existe à la fois dans l'intelligence et la réalité est plus grand que ce qui existe seulement dans l'intelligence. Très bien, mais prouvez-moi d'abord que tous ceux qui prononcent le nom de Dieu comprennent par ce mot une chose si grande qu'on ne peut rien imaginer de plus grand. N'en est-il pas qui ont cru que Dieu était corporel? Prouvez-moi ensuite que la réalité comprend un être aussi grand que la pensée ne peut rien concevoir au-delà. Fin de la note. 2. L'existence de Dieu peut-elle se démontrer? Saint Paul écrivait aux Romains, « Les perfections invisibles de Dieu nous sont rendues sensibles par ce qui a été fait. » Romains 1, 20. En serait-il ainsi si le monde ne nous démontrait pas que Dieu existe? Il y a deux genres de démonstrations. L'un, appelé preuve a priori, procède par la cause. L'autre, appelé preuve a posteriori, remonte des effets à la cause. On emploie la preuve a posteriori dans les matières où l'effet nous est plus connu que la cause, parce qu'il est plus rapproché de nous. Puisque tout effet a nécessairement une cause, nous pouvons démontrer, par les effets que nous connaissons, l'existence de Dieu, qui n'est pas en soi évidente par rapport à nous. Ces effets nous donneront-ils une connaissance parfaite de la cause première qui les a produits? Nous montrerons-ils Dieu dans son essence? Non, mais ils nous en feront connaître du moins l'existence. Note. On a prétendu que l'existence de Dieu ne saurait être démontrée, parce qu'elle est une vérité de foi. Les vérités de foi, en effet, ne sauraient être démontrées par la raison. Mais l'existence de Dieu et les autres vérités qui se découvrent par la raison naturelle sont des préliminaires de la foi, plutôt que des vérités de foi. Car la foi suppose les lumières naturelles, comme la grâce suppose la nature, comme la perfection suppose ce qui est perfectible. Rien n'empêche néanmoins que ce qui est en soi susceptible d'être reçu et démontré ne soit accepté comme article de foi. Fin de la note. 3. Dieu existe-t-il ? Dieu a dit en parlant de lui-même, « Je suis celui qui suis ». Exode 3:14. Donc Dieu existe. Voici, sommairement, les preuves rationnelles par lesquelles on peut démontrer l'existence de Dieu. Première preuve, le mouvement. Il y a du mouvement dans le monde, les sens l'attestent. Tout ce qui est mu par un moteur. Or, tout corps qui en meut un autre ayant besoin d'être mu lui-même, quand vous remonteriez au centième, celui-là aurait encore besoin d'être mu. Note. La matière est inerte de sa nature, c'est un principe des sciences physiques, et tout être qui se meut a reçu d'un autre la faculté de se mouvoir. Fin de la note. On ne peut pas remonter à l'infini, car où serait, dans cette progression, le premier moteur, et, s'il n'y avait pas de premier moteur, où serait le second? Les moteurs secondaires ne meuvent que parce qu'ils sont mus par le premier, ainsi le bâton n'imprime un mouvement que parce qu'il est mu lui-même par la main qui s'en sert. Il faut donc arriver, de toute nécessité, à un premier moteur qui, séparé du monde, n'est mu par aucun autre. Ce premier moteur, tous les hommes l'appellent Dieu. Deuxième preuve, nécessité de la cause première. Une cause n'est pas à elle-même sa propre cause, il répugne qu'une cause soit antérieure à son existence. Or, nous voyons dans le monde que les causes efficientes s'enchaînent les unes aux autres. Remontera-t-on de cause en cause indéfiniment? C'est impossible, car, dans toutes les causes subordonnées, la première produit les intermédiaires, et les intermédiaires produisent la dernière. Si vous enlevez la cause, vous enlevez l'effet. Sans cause première, point de cause seconde ni de cause intermédiaire. Donc il faut admettre une première cause efficiente. Cette première cause efficiente, tous les hommes l'appellent Dieu. Note. Vous aurez beau supposer, dans la nature, des combinaisons et des mouvements successifs, d'où sortent les phénomènes que nous avons sous les yeux, et qui nous ravissent d'admiration, il faudra que nous arrivions à une cause première, efficiente, de ce bel ordre qui frappe nos regards. Fraissinou. Fin de la note. Troisième preuve, contingence et nécessité. La troisième preuve se tire de la nécessité d'un premier être. S'il y avait eu un temps où rien n'existait, rien n'existerait aujourd'hui, car ce qui n'est pas ne peut commencer d'être que par ce qui est. Il y a donc un être éternel, un être nécessaire. Mais un être nécessaire à la cause de sa nécessité en lui-même, ou dans autrui, or, on ne peut admettre une progression infinie d'êtres se transmettant la cause de leur nécessité, pas plus qu'on ne peut admettre une série infinie de causes se produisant les unes les autres. Reconnaissons donc un être nécessaire par lui-même, et cet être nécessaire, tous les hommes l'appellent Dieu. Quatrième preuve, gradation des êtres. On voit dans le monde des choses plus ou moins bonnes, plus ou moins vraies, plus ou moins parfaites. Mais le plus et le moins, qu'est-ce, sinon une gradation dans les créatures suivant qu'elles se rapprochent plus ou moins de quelque chose qui est parfait? Il y a donc quelque chose qui est très vrai, très bon, très parfait, et par conséquent l'être par excellence. Or, ce qui est souverainement vrai, souverainement bon, souverainement parfait, c'est ce qui existe souverainement. On peut conclure de là qu'il y a un être qui est la cause de l'existence, de la bonté, de la perfection. Cet être parfait et source de toute perfection, tous les hommes l'appellent Dieu. Note. Le ciel, la terre, la plus petite des créatures, le plus faible des mouvements, tout est démonstration de l'existence de Dieu. Il y a des perfections dans le monde, donc il y a au-dessus du monde un être parfait qui les a produites. Prenez un genre quelconque de perfection, vous arrivez à Dieu. En soi et dans nos idées, dit Bossuet, le parfait le premier, l'imparfait, en toute façon, n'en est qu'une dégradation. Fin de la note. Cinquième preuve, le gouvernement du monde. Nous voyons les corps physiques, qui sont dépourvus d'intelligence, tendre à une fin. Considérez-les. Ils se meuvent toujours, ou du moins le plus souvent, de la même manière, pour produire des effets excellents. Il est clair qu'ils arrivent à leur fin en vertu d'une intention, et non par hasard. Évidemment, ils sont sous la direction d'un être intelligent. Cet être intelligent qui mène à leur fin les êtres matériels privés d'intelligence, tous les hommes l'appellent Dieu. Donc Dieu existe. Note. Si partout où je vois de l'ordre, dit Monseigneur Frayssinou, si, à la vue d'une famille bien réglée, d'une ville bien policée, d'une armée bien disciplinée, d'un édifice bien régulier dans toutes ses parties, l'idée d'un agent doué d'intelligence et de raison se réveille en moi, malgré moi, il faut bien, pour suivre les règles de l'analogie et de l'expérience la plus constante, qu'à la vue de l'ordre admirable de la nature je m'élève jusqu'à une intelligence suprême dont il soit l'ouvrage. Je vois une aiguille faire le tour d'un cercle tracé sous mes yeux et marquer exactement les heures qui divisent le jour, et je demande quelle est la cause d'un mouvement si régulier. Vous me répondrez qu'il est le résultat d'un mécanisme qui se dérobe à mes yeux, j'y consens, mais ne faut-il pas remonter un ouvrier intelligent qui ait mis en jeu et en action les ressorts divers de cette machine? Je vois une armée exécuter avec précision les évolutions les plus savantes et les plus difficiles, j'en demande la cause. Et l'on me répond que ce que j'admire est le résultat des règles de la tactique et du long exercice du soldat. J'y consens encore, mais cela me dispense-t-il de recourir à un ordonnateur qui commande des règles tous ses mouvements? S'il faut une intelligence pour composer une sphère artificielle qui représente les mouvements célestes, nous ne concevons pas qu'il n'ait pas fallu une intelligence pour disposer les sphères réelles qui roulent dans les cieux. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.